بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله تبارك وتعالى dans son livre il nous dit واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. Et craignez une fitna qui ne va pas toucher que les injustes parmi vous. Et craignez une fitna qui ne va pas toucher que les injustes parmi vous. Wa'alamu anna Allah shadidul iqab. Et sachez qu'Allah est dur en châtiment, en punition. On comprend dans ce texte, dans ce verset, le fait qu'il est interdit. Qu'il est interdit de participer aux troubles, de propager les troubles et la fitna. Et que ce mal peut toucher les injustes ainsi que les autres dans la communauté musulmane. Ô chers frères, il y a beaucoup de textes dans notre législation qui montrent qu'il est interdit de participer aux fitnas. Aux troubles. Al-Bukhari et Muslim, ils citent dans leurs deux recueils authentiques, Al-Sahihayn, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إنها ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته القائم فيها خير من الماشي فيها خير من الساعي ومن يشرف لها تستشرفه ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. Dans Sahih al-Bukhari et Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, il y aura des troubles, des fitanes. Il y aura des fitanes. Celui qui est assis durant celle-ci est meilleur que celui qui se tient debout. Et celui qui se tient debout durant celle-ci est meilleur que celui qui marche. Et celui qui marche durant celle-ci est meilleur que celui qui se précipite, qui accourt. Et celui qui lui accorde de l'importance, elle lui mène à sa perdition. Elle le mène à sa perdition. Alors, celui qui trouve un lieu d'asile ou un refuge, alors qu'ils s'y réfugissent. Les savants, ils nous disent, on comprend clairement de ce hadith que celui qui ne participe pas à la fitna, c'est ce qui est voulu par celui qui est donc assis, celui qui est debout, etc. Car chacun qui a été cité, l'un après l'autre, participe un peu plus que celui qui le précède, que celui qui est cité avant lui. Et donc, on comprend de cela que Al-Qa'idu fiha khayrun min as-sa'i. Et donc, on comprend de cela que celui qui est assis durant la fitna, il est meilleur que celui qui accourt. Il y a même une autre narration qui dit: An-na'imu fiha khayrun min al-qa'id. Il y a une autre narration qui dit que celui qui dort durant celle-ci est meilleur que celui qui est assis. C'est-à-dire, c'est vraiment celui qui n'est pas du tout concerné par cette fitna. Il est meilleur que celui qui est assis. Il y a aussi, dans Sahih al-Bukhari et Muslim, selon Abi Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Yushiku an yakuna khayra mali al-muslim ghanam yatba'u biha sha'af al-jibal wa mawaqi' al-qatar yafirru bidinihi min al-fitan. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, toujours dans Sahihain: peu s'en faut que le meilleur bien du musulman, le meilleur bien qu'il possède, soit des ovins, soit des ovins, des moutons, avec lesquels il va suivre les sommets des montagnes. Et les endroits où on trouve de la pluie, les endroits où on trouve de l'eau pour abreuver les bêtes. Il va fuir avec sa religion pour s'éloigner des fitanes. Il fuit avec sa religion, yafiru bidinihi. Il fuit pour sauver sa religion en s'éloignant des fitanes. On comprend encore ici dans ce hadith l'importance de ne pas participer aux fitanes. L'importance de s'en éloigner. Le fait que ces fitanes sont un danger pour l'individu. أخرج أبو داود في سننه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم الماشي فيها خير من الساعي فكسروا كسيكم او اكسكوزيمو فكسروا كسيكم وقطعوا اوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجاره فان دخل على احد منكم فليكن كخير ابني ادم. Abu Daoud, il cite une narration du hadith qu'on a vu précédemment, selon Abi Moussa al-Ash'ari, radiallahu anhu, qui dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: certes, avant l'heure, avant la fin des temps, il y aura des fitanes, il y aura des troubles, comme la nuit assombrie, la nuit durant laquelle on ne voit rien du tout. Durant ces fitanes, l'individu se trouvera croyant à l'aube, incroyant en soirée. Et il se trouvera croyant en soirée et incroyant à l'aube. Celui qui est assis durant celle-ci est meilleur que celui qui est debout. Celui qui est debout est meilleur que celui qui marche, et celui qui marche est meilleur que celui qui accourt. Alors, cassez vos arcs. Cassez vos arcs. Et cassez vos flèches. Les savants disent, à partir du moment où on a cassé l'arc, elle est où l'utilité de casser les flèches aussi? C'est tout simplement pour éviter qu'une autre personne utilise tes flèches. Alors, cassez vos arcs. Cassez vos flèches. Frappez vos épées sur des pierres. Pour les casser, pour qu'on ne puisse plus les utiliser. Et si on vient à vous, c'est-à-dire pour vous agresser, pour vous tuer, et si on vient à l'un d'entre vous, alors qu'il soit comme le meilleur des deux enfants de Adam. Alors qu'il soit comme le meilleur des deux enfants de Adam. Qu'est-ce qui est voulu par là? Le meilleur des deux enfants de Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas répondu à l'agression et quoi d'autre? Il s'est laissé tuer par... Par son frère. Son frère l'a tué. Allah tabaraka wa ta'ala qui raconte cette histoire dans son livre. Et il dit « Watlu alayhim naba abni Adam bil haqq. إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. » Et récite-leur l'histoire des deux enfants de Adam en toute vérité. Lorsqu'ils ont tous deux accordé un sacrifice à leur Seigneur et qu'il fut accepté de l'un et pas de l'autre. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce sacrifice pour leur Seigneur? Vous savez pourquoi? C'était pour se marier avec une femme qui était convaincue par les deux personnes. Barakallahu fik. Et donc ce sujet, c'est un sujet sérieux. Ce sujet, c'est un sujet sur lequel il faut faire attention pour ne pas entraîner d'animosité et de haine entre les frères. Et donc les enfants de Adam se mariaient entre eux. Les enfants de Adam se mariaient entre eux. Et ils étaient deux frères à convoiter la même sœur. Les deux. Alors, il fut demandé aux frères de faire un sacrifice pour Allah. Et que celui pour lequel le sacrifice est accepté, alors c'est lui qui se marie avec cette femme. Il fut accepté de l'un et pas de l'autre. Alors il a dit à son frère, certes, je vais te tuer. Lorsqu'il lui a dit, certes, Allah accepte des pieux. Mais anabi basit yadi ilayka li aqtulak inni akhafu Allah rabb al alamin. Si tu tends ta main vers moi pour me tuer, je ne vais pas tendre ma main vers toi pour te tuer. Certes, moi, je crains Allah, le Seigneur des mondes. Et c'est ainsi qu'il fut tué. Et c'est ainsi que le meurtre a commencé chez les enfants de Adam. C'est ainsi que le meurtre a commencé. À cause de la jalousie. Barakallahu fikum. Ici dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous appelle à être comme le meilleur des deux enfants de Adam. Et comment était le meilleur des deux enfants de Adam? Il n'a pas participé à la fitna. Il n'a pas participé à la fitna. فهذه النصوص أيها الإخوة فيها النهي عن المشاركة في الفتن. Et donc ces textes, aux chers frères, qu'on vient d'entendre, contiennent l'interdiction de participer aux troubles, aux fitanes. Cependant, est-ce que nous pouvons utiliser ces textes pour la fitna de Mohammed ibn Hadi? Comme l'ont fait certains sur Twitter au début, etc., pour montrer qu'il ne faut pas participer, etc. Et nous ont cité ces textes-là. Et c'est important de comprendre ce sujet. Est-ce qu'on peut appliquer ces textes sur la fitna de Mohammed ibn Hadi? Ali ibn al-Madini, rahimahullah, qui fait partie des savants, des imams du hadith, il dit « Al-bab, idha lam tujma' fihi turukuh, lam yatabayyan khata'uh. » Al-bab, ici, le sujet, le chapitre, le hadith, si on ne rassemble pas toutes ces narrations, Nous ne pouvons pas connaître les erreurs qu'il contient. Les savants du hadith, pour juger d'un hadith, est-ce qu'il est authentique ou pas, ils ne se basent pas sur une chaîne de transmission. Mais ils vont regarder tout ce qui a été rapporté sur ce même hadith. Parce que les narrations divergent. Peut-être qu'une chaîne plus authentique amène une autre narration, ainsi de suite. Et donc, si tu ne rassembles pas toutes les narrations, tu ne pourras pas trouver l'erreur. Et ce principe qu'on applique dans le hadith, on l'applique aussi dans le fiqh. Afin de connaître un sujet de jurisprudence, tu ne peux pas te baser sur un hadith. Il faut que tu regardes les hadiths dans ce même sujet, les versets, les textes dans ce même sujet, afin d'avoir une bonne opinion, afin d'avoir un bon jugement et de bien comprendre le sujet. Et c'est pareil pour toutes les matières. Et d'ailleurs, les savants ont blâmé les gens de l'innovation et ils ont cité parmi les caractéristiques des gens de l'innovation le fait de prendre certains textes, de s'accrocher à certains textes et de rejeter d'autres textes. Le fait de s'accrocher à certains textes de la législation et d'en rejeter d'autres. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre « Etu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd » Est-ce que vous croyez en une partie du livre et vous rejetez l'autre ?« Fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya » La rétribution de ceux d'entre vous qui font cela n'est que l'avilissement ici-bas. Et au jour de la résurrection, ils seront renvoyés au châtiment le plus douloureux, le plus dur. Et donc, nous ne pouvons pas prendre certains textes qui vont dans ce qui nous arrange, qui nous confortent dans notre croyance, et rejeter les autres textes. Tout en sachant, barakallahu fikoum, qu'il n'y a pas de contradiction dans le livre d'Allah. Il n'y a pas de contradiction dans la sunna, il n'y a pas de contradiction dans les textes de la législation. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit « Walau kana min indi ghayrillahi la wajadu fihi ikhtilafan kathira » Si cela venait d'autre qu'Allah, ils y auraient trouvé beaucoup de contradictions. Et donc celui qui nous a interdit de participer au fitan, au trouble, c'est le même qui nous dit aussi « Wa in ta'ifatani min al-mu'minina qatatalu fa aslihu baynahuma fa in barat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah » فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ Et si deux groupes parmi les croyants se combattent, une fitna. Si deux groupes parmi les croyants se combattent, alors réconciliez-les. Mais si un groupe fait preuve d'injustice envers l'autre, alors combattez le groupe injuste jusqu'à ce qu'il revienne à l'ordre d'Allah. Et s'il revienne, alors réconciliez-les en toute justice. Certes, Allah aime ceux qui sont justes. Et donc celui qui nous a montré l'interdiction de participer au fitan, au trouble, c'est le même qui nous appelle ici à participer et à soutenir celui qui est sur la vérité et à combattre celui qui est dans le faux et qui persiste dans le faux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Unsur akhaka zaliman aw mazlouman » Secours ton frère qu'il soit injuste ou opprimé. Et aussi, il y a plusieurs personnes parmi ceux qui disent qu'il ne faut pas participer au fitna de façon totale. Il y en a, certains s'appuient sur la fitna qu'il y a eu entre les compagnons. La fitna qu'il y a eu entre les compagnons. Entre Ali et Muawiya. Radiallahu anhum ajma'in. Il y a eu un certain nombre de compagnons qui ont refusé de participer à cette fitna. Ils ont refusé de participer. Ils ne l'ont pas fait. Et donc, certains frères vont s'appuyer sur cela pour nous dire nous ne devons pas participer à la fitna du docteur Mohammed bin Hadi. Et certes, on a vu durant les cours précédents, parmi les sources et références du Manhaj Salafi, on a vu que la parole du compagnon est une preuve quand celle-ci ne contredit pas un texte de la législation et quand celle-ci ne contredit pas la parole d'un autre compagnon. Alors, à ce moment-là, on regarde lequel des deux est plus proche de la vérité, de la preuve textuelle. Et certes, les compagnons qui n'ont pas participé à la fitna qu'il y a eu entre les compagnons, entre eux, est-ce que ces mêmes compagnons n'ont participé à aucune fitna? Et c'est pour ça que c'est bien, barakallahu fi, comme je vous le dis, il faut étudier l'histoire. C'est bien d'étudier la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est bien d'étudier l'histoire de la communauté musulmane. Pourquoi? Parce que cela, ça nous aide à répondre à beaucoup d'ambiguïtés. Ils nous disent que les compagnons n'ont pas participé à la fitna. Déjà, ce n'était pas tous les compagnons, c'était certains compagnons. Mais là n'est pas le sujet. Est-ce que les compagnons se sont abstenus pour toutes les fitnas? Voyons voir. Après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu plusieurs fitnas. À l'époque de Abu Bakr, radiallahu anhu, il y a eu la fitna des apostats. Fitnatul Murtaddin. Cette même fitna se divise en plusieurs fitnas. Parce qu'il y a ceux qui ont apostasié parce que le prophète est mort. Ils étaient musulmans quand il était là. Il n'est plus là, ils ne le sont plus. Il y a ceux qui ont apostasié parce qu'ils ont suivi des menteurs qui ont prétendu la prophétie. Il y a eu la fitna, fitnatu mani'iz zakat, la fitna de ceux qui ne voulaient pas payer la zakat. Après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et que Abu Bakr, radiallahu anhu, il les a combattus, et que Omar, radiallahu anhu, au début, il voulait s'opposer à cela. Mais qu'après avoir discuté avec Abu Bakr, il fut d'accord, et que les compagnons ont combattu. Est-ce que des compagnons se sont abstenus et ont dit qu'ils ne participent pas? Il y a eu la fitna des Khawarij. Les compagnons ont combattu. Et donc pourquoi on oublie tous ces fitnas où ils ont participé? On ne connaît pas de compagnon qui s'est abstenu. Et on nous cite une fitna, une grosse fitna entre eux, durant laquelle certains se sont abstenus. Et donc il est important de connaître l'histoire afin que les gens ne viennent pas nous tromper, nous leurrer à cause d'un manque de compréhension. Et c'est pour cela que l'imam Ibn Baz, rahimahullah, il a résumé tout cela. En regardant tous les textes qui concernent la fitna, ce qui montre que c'est interdit, ce qui montre qu'il faut participer, les actes des compagnons qui ont compris ces textes. Il nous dit l'imam Ibn Baz, rahimahullah, la fitna durant laquelle il ne faut pas participer, c'est celle qui n'est pas claire. C'est celle dont on ne connaît pas celui qui a raison et celui qui a tort. On ne connaît pas l'injuste et celui qui subit l'injustice. À cette fitna-là, il ne faut pas participer. Mais si on connaît l'injuste et qu'on connaît l'opprimé, alors il nous est obligatoire de soutenir l'opprimé et d'empêcher à l'injuste de persister dans son injustice. Et donc, la question qui se pose aujourd'hui, concernant la fitna qu'il y a eu, la fitna de Muhammad ibn Hadi, est-ce qu'il a contredit les fondements du manhaj salafi que nous avons vu lors des cours précédents? Est-ce qu'il a contredit le principe de l'union en divisant la communauté musulmane? Est-ce qu'il a mis en garde contre des étudiants et des gens de science sans ramener de preuves suffisantes? Et donc tout ceci sont des injustices. Tout cela donc, ce sont des injustices. Sans compter le fait de taxer un musulman de fornicateur, sans ramener de preuves. Et donc ici, nous voyons clairement un injuste et des opprimés. Alors nous ne pouvons pas utiliser ici les textes qui montrent qu'il ne faut pas participer à la fitna. Voilà pourquoi les savants ont parlé dans cette fitna. Et voilà pourquoi ils ont mis en garde contre ceux qui étaient injustes envers leurs frères. Et c'est pour cela, le premier verset que j'ai cité dans ce cours, Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً » Et craignez une fitna qui ne va pas toucher spécifiquement les injustes parmi vous. Les savants du tafsir, lorsqu'ils ont abordé ce verset, ils ont dit que ceci, lorsque l'injustice apparaîtra dans la communauté de manière évidente, et que les péchés seront apparents dans la communauté, et que les gens se tairont, et que personne ne parlera pour reprocher le blâmable. Alors à ce moment-là, ils seront tous pris par un châtiment. Ils seront tous pris par un châtiment. Et c'est ce qui est voulu par la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Et craignez une fitna qui ne va pas toucher que les injustes parmi vous. Mais elle touchera les injustes et les autres à cause du silence. Et ça nous rappelle la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلِ على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. Les enfants d'Israël furent maudits par la langue de Daoud et Issa, fils de Mariam, à cause de leur transgression et de leur désobéissance, leur péché. Ils ne s'interdisaient pas le mal qu'ils faisaient. Et donc, barakallahu fikoum, chers frères, j'espère donc que, après ces quelques cours que nous avons abordés concernant le manhaj salafi, j'espère que on pourra tous ensemble profiter de ces cours et transmettre à nos proches la vérité du manhaj salafi. L'importance d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala, de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'appeler les musulmans à l'union, mettre en garde contre la division, et tous ceux qui appellent à la division, mettre en garde contre l'innovation, le polythéisme et la désobéissance. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous combler de ses faveurs et de nous accorder une science profitable. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.